Mosaïque. Bonjour auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue dans l'émission Mosaïque. Le 10 décembre de chaque année, le monde commémore l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était le 10 décembre 1948. Au cours de cette année, cette déclaration souffle ses 70 bougies. L'événement arrive au moment où le bureau de l'Office du Haut Commissariat des droits de l'homme au Burundi vient d'être fermé. Depuis la crise politique de 2015, plusieurs rapports des commissions des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme ont été systématiquement balayés d'un revers de la main par le gouvernement, justifiant à son tour que leur contenu n'était pas conforme à la réalité sur terrain. Dans cette émission, nous revenons sur le respect de cette déclaration à la lumière de la situation des droits de l'homme au Burundi. Quel est l'état des lieux des droits de l'homme au Burundi? Quels sont les défis au respect des droits de l'homme dans notre pays? Que faire pour que le respect des droits de l'homme soit une réalité? Pour en parler, nous sommes avec trois invités. Nous accueillons Jean-Baptiste Baribonekeza, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CINDH. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, je vous remercie d'avoir organisé cette émission et je salue également les auditeurs de la radio Isanganiro. Nous sommes également avec honorable président Sylvestre Nibanunganya. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Oui, bonjour. Je salue également les auditeurs burundais. Partout, ils sont au Burundi comme à l'extérieur du Burundi. Nous sommes aussi avec Jean-Marie Vianney Gato-Gato, membre de l'Association des juristes catholiques du Burundi. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour et merci pour l'invitation et je salue aussi l'auditoire de la radio Isanganiro. À la réalisation de cette émission, Léonce Vitalio, Eric Ouimana assure la mise en onde, Pacifique Chubahiro à l'animation de Mosaïque. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Jean-Baptiste Baribonekeza, en tant que président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CINDH, comment appréciez-vous la mise en œuvre de la déclaration et surtout nous parler un peu de l'origine de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Oui, je vous remercie encore une fois d'avoir organisé cette émission et dans le sillage de la célébration de la journée internationale dédiée aux droits de l'homme qui est célébrée chaque année le 10 décembre. Cette journée, comme beaucoup le savent, en fait coïncide avec justement l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ou DUDH, comme beaucoup le disent dans le jargon, ça a été en fait le texte clé ou le socle, si vous voulez, de toutes les initiatives menées au niveau de la communauté internationale et de beaucoup de pays, et dans le sens d'assurer le respect des droits de l'homme d'un point de vue universel. Si vous voulez. Alors, c'est un texte fondamental qui a été adopté en réalité en 1948, ça veut dire 3 ans seulement après la création de l'Organisation des Nations Unies, qui elle-même est venue, en fait, à la suite du traité de Versailles et de la Charte des Nations Unies, ça veut dire pratiquement, qui est venue comme une des mesures phares qui visait en fait à assurer la paix et la sécurité dans le monde. Surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Et le respect des droits de l'homme et le développement économique et social à la suite d'un grand conflit mondial qui s'appelle Deuxième Guerre mondiale. Alors, justement, la Deuxième Guerre mondiale avait fait beaucoup de ravages et en réalité, il est reconnu expressément au niveau de la Charte des Nations Unies que l'objectif était justement de proclamer encore une fois la foi dans les droits fondamentaux de l'homme et de mettre fin, si vous voulez, à plusieurs années de guerre et à reconnaître en fait que les affres de la guerre avaient provoqué beaucoup de souffrances parmi les êtres humains. Et je dois dire que c'est l'un des textes, je pense que c'est le premier texte à avoir été le plus traduit dans le monde et qui aujourd'hui existe, je crois, dans 500 langues comme ça. C'est un texte aussi qui a en fait inspiré, qui a été le socle de tous les autres instruments internationaux plus contraignants qui ont été plus tard adoptés par la communauté internationale, la communauté des États, et qui par ailleurs, même au niveau national en réalité, a inspiré beaucoup de constitutions, y compris les différentes constitutions, par exemple, que le Burundi a adoptées, surtout depuis la démocratisation du pays dans les années 90. Ça veut dire, depuis la constitution de 92 jusqu'à la constitution de 2018, on se rend compte en réalité que la charte des droits de l'homme a toujours été consacré au niveau de la Constitution. En fait. Justement, par rapport à l'échelle nationale, par quel mécanisme le Burundi est engagé par rapport à cette déclaration? Oui, alors, au niveau national, le Burundi, je dois d'abord encore informer l'opinion, que le Burundi a manifesté beaucoup de volonté politique, surtout au niveau de la ratification des différents instruments internationaux, et notamment parmi les 9 instruments internationaux consacrés aux droits de l'homme, que ce soit les droits civils et politiques, que ce soit les droits économiques et sociaux, que ce soit les instruments protecteurs des groupes particuliers ou bien particulièrement vulnérables comme les femmes, les enfants, les handicapés, etc. Le Burundi a déjà ratifié 8 sur 9 de ces traités. Au niveau national, non seulement la Constitution, mais aussi beaucoup de textes, que ce soit le code pénal, que ce soit le code des différents textes, si vous voulez, juridiques, au niveau, par exemple, qui régissent les activités de la justice, qui régissent le secteur de la sécurité, qui régissent même les groupes vulnérables, comme par exemple les récentes lois sur la protection des victimes et des témoins, et que ce soit la loi par exemple sur la protection contre les violences basées sur le genre, etc. Le Burundi a adopté en fait beaucoup d'instruments au niveau de la législation nationale qui consacrent encore une fois cette volonté de reconnaître et de confirmer que les droits de l'homme constituent en fait des éléments clés dans la gestion de l'État. Et de même, on voit qu'au niveau institutionnel, il y a eu beaucoup de réformes et surtout la création de beaucoup d'institutions qu'on appelle en fait les institutions d'appui ou de soutien à la démocratie et aux droits de l'homme, comme la CNIDH, comme par exemple la CVR, comme la CNTB, comme la CENI, ou encore par exemple le bureau de l'Ombudsman ou toute la machinerie anticorruption. On se rend compte en réalité qu'il y a beaucoup d'institutions, si vous voulez, qui ont été créées en vue de traiter, si vous voulez, les questions qui se posent dans différents secteurs et qui permettent à ce que les Burundais puissent jouer pleinement de leurs droits. Vous, 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une satisfaction par rapport à la situation des droits de l'homme au Burundi? Oui, clairement, que ce texte a été, je voulais, le moteur par rapport au progrès qu'on voit aujourd'hui. Après plus de 50 ans d'indépendance, quand on compare, comme je le disais, le point de départ, ça veut dire à l'indépendance, par exemple, les pratiques qu'on voyait au niveau, je crois avoir entendu par exemple que les anciens OPG interrogeaient les gens avec les armes sur la table, etc. Il y a eu beaucoup de progrès en réalité et qui se sont inspirés de cette déclaration-là parce qu'avec le temps, en fait, les Burundais, surtout les responsables, ont compris qu'ils avaient des contraintes dans leur action et que donc, on ne peut pas tout faire, tout n'est pas autorisé, il y a des limites et les limites sont légales. Et en plus, les citoyens burundais ont aussi compris beaucoup de choses, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Je passe la parole au président Sylvestre Ntibantunganya. Le président de la CNDH vient de manifester une satisfaction par rapport à la progression du respect des droits de l'homme ici au Burundi. Quelle est votre analyse par rapport à la situation actuelle des droits de l'homme? Bon, quand vous lisez les commentaires qui sont même faits par les instances intéressées au niveau international en ce qui concerne la mise en mouvement de cette déclaration, ces instances elles-mêmes soulignent que cette mise en application se fera de manière progressive. C'est dire donc que le combat pour le respect et la promotion des droits de la personne humaine est un combat permanent. On ne peut pas dire qu'on a atteint le point d'orgue en matière de défense des droits de l'homme. Je commencerai par dire aussi que cette déclaration était une sorte, à mon avis, d'expression du plus jamais ça. Du plus jamais ça par rapport à ce que le monde venait de vivre. Et on voit que depuis, il y a eu des progrès qui ont été effectués sous les divers aspects qui intéressent les droits de l'homme. Quand moi j'aborde la question des droits de l'homme, je prends deux aspects essentiels, vivre et vivre en liberté. Vivre et vivre en liberté. Et quand on dit vivre, il y a évidemment des exigences au niveau même de la protection physique de la vie humaine, mais également il y a d'autres conditions qui doivent être réunies pour qu'on soit garanti qu'on vit convenablement en ce qui concerne l'accès à la nourriture, en ce qui concerne l'accès à l'instruction, en ce qui concerne l'accès à l'éducation. Mais il y a également le devoir de vivre librement, avec le droit à la parole, le droit de s'associer, le droit d'entreprendre, pas mal de choses, évidemment, qui sont contenues dans ce concept. On voit donc que si on prend, j'allais dire de manière sectorielle, on voit qu'il y a des progrès qui ont été accomplis. Mais il y a également, bien sûr, des attentes qui sont toujours là, mais l'évaluation dépend également de celui qui l'a fait. Des fois, en cette matière, on peut trouver qui sont plus tentés d'accuser les autres, de dire c'est ceux les autres qui n'en font pas, sans considérer ce qu'eux-mêmes font. Et il suffit de voir, par exemple, les perceptions que nous avons en matière, par exemple, de respect de la vie, ne pas tuer, qui est non seulement quelque chose exigé par cette déclaration, mais exigé pour toutes les créatures. Nous sommes quelqu'un qui est des juristes catholiques. Il n'y a aucune confession religieuse qui autorise à tuer, mais les gens tuent. Vous savez aussi que dans notre culture burundaise, il est strictement interdit de tuer. Et dans l'éducation traditionnelle, on vous disait que pour justement former les jeunes enfants, ne pas à respecter justement la vie, on leur disait qu'il était même interdit de tuer ou musulmane. C'est dire donc qu'ici, il y a des progrès, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut faire. Justement, par rapport à cet aspect, souvent quand on évoque les droits de l'homme au Burundi, on fait allusion aux droits fondamentaux, notamment à la vie ou les libertés politiques par après. Est-ce que sur cet aspect, pouvons-nous parler des avancées à titre égal en termes de droit? Je vous ai dit qu'il y a des avancées depuis que le Burundi est indépendant. Il y a des avancées que le Burundi avait atteintes dans les années 1990 en rapport avec, ou parallèlement plutôt, avec l'avènement de la démocratie. On a vu qu'il y avait des avancées en ce qui concerne l'émergence, par exemple, d'opinions divergentes au niveau politique avec l'acceptation du principe du multipartisme dans la vie nationale. On a vu également qu'il commençait à émerger des associations de la société civile. Et je me souviens qu'à l'époque, d'ailleurs, la première organisation qui s'est manifestée était dans le domaine des défenses des droits de l'homme. C'était la Ligue Teka. On a vu qu'il y avait également des avancées en ce qui concerne la presse, la liberté de la presse, avec l'émergence de plusieurs titres écrits, de plusieurs radios. Mais on sait aussi qu'il y a eu des problèmes, et notamment depuis 2015, avec tout ce que nous connaissons qui est arrivé dans ce pays. Et moi, quand j'aborde toutes ces questions, je dis effectivement, il faut travailler de manière que les progrès acquis ne soient pas sacrifiés. Mais pour que cela produise un résultat, le devoir d'introspection le vient à tout le monde. Pas seulement au niveau des pouvoirs publics, comme certains sont tentés de se limiter à cela, mais aussi au niveau d'autres impliqués dans la défense et dans la promotion de ces droits. Et je pense que dès qu'on sera chacun convaincu de cette façon de procéder, il y a pas mal de choses qui seront sauvées et pas mal d'autres progrès qui pourront s'accomplir. Je me retourne du côté de Jean-Marie Vianney Gato-Gato. Au niveau de l'Association des juristes catholiques du Burundi, aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la situation des droits de l'homme au Burundi? Avons-nous des éléments qui peuvent nous aider à nous féliciter ou d'autres éléments qui pourront être sollicités pour être améliorés? Oui, merci de la parole. Et au niveau des éléments qui nous permettent de nous féliciter, je dois souligner trois aspects. D'un côté, il y a premièrement à saluer cette volonté politique dont on a déjà parlé. Cette volonté politique du gouvernement qui se traduit par l'adhésion elle-même à la déclaration universelle des droits de l'homme au moment de l'indépendance. Donc c'est un texte qu'on a hérité de la tutelle. Donc l'adhésion elle-même à ce texte, ça traduit une volonté. Au-delà de l'adhésion à l'outil dont nous célébrons l'anniversaire, il y a également une série d'autres textes qui ont été adoptés et ratifié. Aujourd'hui, je dois avouer que je viens d'apprendre que c'est 8 sur 9. C'est presque le maximum. C'est une avancée significative au-delà des instruments, tant internationaux, tant régionaux. Il y a des instruments locaux, des textes de loi. Mon frère Jean-Baptiste a déjà énumérer une série de ces textes qui peuvent nous servir de référence à la mise en œuvre des droits de l'homme comme déclaré dans cette déclaration. Mais de l'autre côté, il y a lieu de se féliciter par rapport de féliciter l'implication des partenaires du Burundi, des appuis qu'ils offrent au niveau à toutes les parties prenantes, notamment les acteurs tant institutionnels que non institutionnels. Il y a des appuis, il y a des partenaires du Burundi qui appuient ce secteur. Bon, tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a des difficultés avec notamment le Centre des droits de l'homme. Là, on ne va pas développer, ce n'est pas le sujet du jour. Mais aussi et surtout, je salue l'engagement, le niveau d'engagement des défenseurs des droits de l'homme qui, à certaines époques, notamment dans les crises cycliques qui ont frappé le Burundi, ont réussi à garder la tête hors de l'eau, ont réussi à demeurer, à rester au-dessus de la mêlée et donc continuent le travail de défense des droits humains, de compléter les efforts du gouvernement. Et pour vous, malgré quelques cas de violation, il y a quand même cette volonté, cette flamme qui anime les esprits des Burundais pour respecter les droits humains des uns des autres. Oui, bien sûr. Et cela étant, je souligne quelques points d'attention. Ici, je ne souligne que trois, ils pourront être nombreux, mais je souligne quelques points qui sont des entorses à la mythe, pas seulement des entorses, par un droit entrave la mise en œuvre effective du contenu de la déclaration et des textes et des instruments qui en découlent ou alors la complète. Je souligne par exemple le niveau de pauvreté. C'est le vivre évoqué par président Ivanunga. Je crois qu'il est bien placé, qu'il est le mieux placé pour évoquer cet aspect. Aussi, un autre point, c'est le niveau de participation à la gouvernance. Quand on parle de la gouvernance, ici on a tendance à comprendre c'est la gouvernance politique dans les hautes sphères, mais la gouvernance, c'est où ? Ça, c'est une autre thématique, peut-être, mais c'est le niveau d'implication de tous en chacun dans la prise de décision, dans la gouvernance, non seulement de la cité, mais des structures, à commencer par la structure nucléaire au niveau de la famille, qui est le fondement de tout. Comment est-ce que nous participons à la vie de la famille, de la cité, des organisations dont nous sommes membres? Comment est-ce que ça contribue à respecter les droits humains à partir déjà de la famille, dans notre localité, sur notre lieu de travail, en route, sur la piste? Comment est-ce que vous vous déplacez sur la chaussée? Donc, je ne veux pas danser détails, mais comme ce n'est pas le secteur d'intervention forte de la GCB, je parle avec certains détails du secteur de l'accès. Je mets entre guillemets accès à la justice. C'est une thématique qui nous préoccupe au niveau de la GCB. Quand j'ai lu en prélude à cette émission la politique sectorielle du ministère de la Justice, j'ai eu le temps d'en prendre connaissance. Je vois qu'il y a bien sûr un engagement ferme de l'autorité surtout du ministère. Surtout que la Déclaration universelle fait référence à un procès juste et équitable garanti pour toute personne. Est-ce que maintenant, les moyens, je ne suis pas encore là, je ne suis pas le mieux placé pour dire, est-ce que les moyens, est-ce que les capacités techniques et opérationnels sont à même à une mise en œuvre effective de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Est-ce que c'est vraiment la situation? Au-delà des moyens, au-delà de l'engagement, au-delà des capacités techniques et opérationnelles, il y a un cap à franchir pour ce qui est du secteur de la justice. On va passer de la phase de rétablissement des droits à la phase de protection et de prévention. C'est là où nous sommes. C'est l'aspect à développer. C'est le point fort. C'est le plaidoyer que mène la GCB. Nous devons arriver à une phase de protection et de prévention. Et pour prévenir, je ne suis pas sûr qu'un jour, le ministère de la Justice saura être à mesure de prévenir, de protéger, de rétablir. C'est là où nous proposons, peut-être je vais y revenir, c'est là où nous proposons une action synergique de tous ceux qui sont engagés sur la thématique et auprès du ministère clé qui est le ministère de la Justice. Au-delà de ces points positifs dont nous nous réjouissons, il faut aussi arriver à améliorer le cadre légal par endroit. Je sais qu'il y a des vides, il y a des zones d'ombre et même des contradictions, je crois. Bon, on peut souligner des textes clés, on est au quotidien à l'analyse de certains textes, de la complémentarité, de la cohérence, de tout ça. On peut contribuer à ce sujet, mais au-delà de tous ces points que nous avons relevés, des points positifs, il y a aussi ces points d'attention que je viens d'énumérer. Du reste, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Président, la question de défense des droits humains, c'est une question qui reste dynamique, c'est une question dont on ne peut pas dire. On est à un niveau assez suffisant, on peut dormir sur nos lauriers. Autour du plateau, on comprend que la thématique des droits de l'homme, c'est une thématique très vaste et que chacun peut aborder selon ses desiderata. Mais je me retourne du côté du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi. À votre niveau, quels sont les domaines où les droits de l'homme sont fortement biaisés et surtout là où vous pensez mettre un peu du paquet pour améliorer la situation? Et je voulais, en abordant la question, revenir encore une fois sur la vision ou le rêve des auteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En fait, quand vous regardez par exemple la réflexion de quelqu'un comme Eleanor Roosevelt, qui est vraiment l'une des personnes, des piliers, des personnes clés qui en fait ont aidé dans la rédaction et dans l'obtention du consensus autour de ce texte. En fait, ces gens-là avaient le rêve d'un monde où les gens vivent libérés. Mais libérés sur tous les fronts. Libérés de la peur, mais libérés aussi de la faim et de la misère. Ça veut dire qu'il y a, si vous voulez, cette nécessaire interaction entre ce qu'on appelle les droits civils et politiques, ou encore les libertés, si vous voulez, au sens commun, mais aussi, si vous voulez, les droits dans le domaine économique et social. Même si quelqu'un a, par exemple, accès à la radio Isanganiro, mais qui n'arrive pas à dormir le soir, finalement, il n'a pas le bien-être nécessaire. Même si, par exemple, quelqu'un est élu député ou administrateur d'une commune, mais que finalement, il n'a pas où envoyer ses enfants à l'école. En réalité, il y a un problème sérieux au niveau du droit à l'éducation et qui finalement finit par impacter sur son bien-être. Donc l'idée, encore une fois, que je souhaite qu'on garde à l'esprit, et nous, en tant que défenseurs, mais aussi tous les responsables, c'est d'assurer que les droits de l'homme soient respectés dans tous les domaines. Maintenant, les droits de l'homme aussi ne sont pas une bonne à tout faire. Mais il y a certains domaines où on sent que ça fait du bruit plus que d'autres. Absolument. Je veux en arriver, mais c'est à cause de ces biais, justement. C'est à cause de ces préjugés. Les gens considèrent les droits de l'homme seulement comme un instrument politique, mais en réalité, les droits de l'homme sont aussi un instrument économique et social. Quand ils sont bien respectés, ils nous permettent de lutter contre la discrimination dans différents domaines. Ils nous permettent d'assurer l'égalité, par exemple, en termes d'accès aux ressources, etc. C'est des instruments en fait qui sont conçus pour assurer le bien-être intégral de l'homme. Donc j'en conviens avec vous, il y a des préoccupations, si vous voulez, d'actualité, mais ces préoccupations très souvent en fait sont le résultat d'autres préoccupations encore plus profondes. Et je m'en vais, et avant de vous donner justement à mon avis là où on devrait mettre plus de paquet, j'insiste encore une fois pour dire, même quand les gens par exemple réclament la liberté d'expression, ils veulent exprimer quoi? Souvent c'est pour exprimer une revendication, et cette revendication n'est pas nécessairement politique. Peut-être c'est une revendication liée, je regarde par exemple les problèmes syndicaux qui existent aujourd'hui dans ce pays. C'est des revendications peut-être liées au salaire. C'est peut-être lié au financement de l'habitat, etc. Donc, et la liberté d'expression. Mais le problème, c'est que dans tout domaine, tout peut risquer de devenir politique. Dans une certaine manière. En partie, mais c'est davantage en dépolitisant et en prenant plutôt les mesures qui adressent les vraies questions qu'on finit par adresser indirectement les autres. Donc, je voulais dire très rapidement que, par exemple, je pense personnellement que c'est important, si vous voulez, en termes de priorité, de renforcer les capacités, les moyens d'action du secteur de la justice. Ça, je pense, comme mon frère de la JCB l'a dit, je pense que c'est très, très important. Parce que la justice, finalement, c'est elle qui nous aide même au niveau politique, justement. Quand les intérêts des politiciens clashent, c'est la justice qui est là pour nous aider à régler les problèmes. Donc, finalement, c'est le moyen de recours. Et, par exemple, en cas de conflit politique, donc, il est important qu'elle ait les moyens d'agir, qu'elle soit déployée suffisamment sur le territoire, que nos magistrats soient bien payés, qu'ils soient bien outillés, qu'ils aient les moyens de locomotion nécessaires, etc. Tout ça, c'est très, très important. Et donc, je pense, par exemple, qu'aujourd'hui, le budget qui représente pratiquement 1% du budget national et qui est alloué à la justice est largement insuffisant. Nous sommes en train de plaider pour une augmentation, par exemple, du budget de ce côté-là, mais aussi des autres, si vous voulez, moyens d'action. Ce n'est pas que le budget, il y a aussi, par exemple, les capacités techniques du personnel, etc., etc. Maintenant, ça, c'est un des secteurs où je pense qu'il faut mettre l'accent, mais ce n'est pas le seul. Je pense, par exemple, que quand on regarde les questions liées, par exemple, au trafic des êtres humains, c'est des questions encore qui risquent d'être politiques, alors qu'au départ, c'est des problèmes essentiellement sociaux, parce que les gens, en fait, arrivent à un moment où s'ils sont sous-employés ou qu'ils ne sont pas employés et qu'ils ont entendu par exemple des informations formation selon lesquelles ils peuvent avoir des opportunités ailleurs, évidemment, les gens vont chercher là où il y a plus de pâturage vert. Donc, la réalité, c'est que des problèmes à l'origine et d'ordre social ou économique finissent par devenir politiques, etc. C'est très important qu'on mette l'accent sur les questions sociales et économiques. Et je répète, par exemple, le financement de l'habitat, réforme du secteur de l'éducation pour rendre encore plus performant. Et tout ça, c'est des questions fondamentales. Et c'est grâce à ça, par exemple, qu'on pourra régler la question notamment des réfugiés. Je sais que justement, par rapport à cette question, parce qu'au Burundi, avec l'actualité, on peut parler, si le président de la CNDH se préoccupe des aspects sociaux et économiques, on dira, mais finalement, la question des réfugiés, question des libertés politiques, et finalement, au niveau de la CNDH, ça ne pose pas problème. Au contraire, je me rappelle dans une des conférences que j'animais dans un autre cadre, en fait, dans un cadre panafricain, si vous voulez. Par contre, la CNDH du Burundi, même quand vous lisez nos rapports, est considérée plutôt comme une commission qui met plus d'accent sur les aspects politiques en réalité et qui met moins d'accent sur les aspects économiques et sociaux. Mais c'est aussi en partie à cause du fait que souvent nos rapports répondent au contexte. Mais le contexte politique, comme je le dis, est, comment dirais-je, dépend d'autres questions sous-jacentes. Et donc, même par exemple, que ce soit les questions liées à la liberté d'expression, la liberté d'association, etc., c'est des questions qui sont consacrées dans les textes, si vous voulez. Ça veut dire que c'est des droits qui sont déjà consacrés dans les textes. La Constitution est très claire là-dessus. Les textes d'application, que ce soit au niveau de la loi sur la presse, que ce soit au niveau des lois protectrices des différents groupes comme les femmes et les enfants, les textes sont très explicites et le Burundi a, comme je le disais, manifesté beaucoup de volonté par rapport à ça. Mais c'est, je pense, au niveau de la mise en œuvre, si vous voulez, où il faut mettre beaucoup d'accent. Et la mise en œuvre, parfois, demande des moyens. Et c'est là que j'insiste que même si vous avez un média qui est agréé, il faut bien avoir du financement. Et le financement provient de l'économie, pas de la politique. Donc, même si vous avez, par exemple, un parlement, il faut le financer. Le parlement fonctionne sur base d'un budget et le budget provient de l'économie, pas de la politique. Donc, c'est important. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire qu'on a beaucoup trop investi sur les questions politiques sans aucun investissement adéquat au niveau économique et social. Je pense qu'il faut inverser la tendance. Il faut donc continuer, bien sûr, à consolider les acquis, si vous voulez, au niveau, par exemple, de la question du multipartisme, la question de la liberté d'association, la question des organisations de la société civile, et la question des médias. Continuer à promouvoir ces secteurs-là, mais en faisant beaucoup d'attention par rapport, si vous voulez, et aux questions, comme je le disais, de logement, aux questions du droit à l'alimentation, aux questions du droit à l'éducation. On ne peut pas faire tenir debout un sac vide. Et ça, c'est une réflexion très classique. Ça veut dire qu'il est important que nos journalistes, nos députés, et nos défenseurs des droits de l'homme, que tous les politiciens, tous les responsables, etc., qui sont engagés sur des questions des droits de l'homme, puissent avoir les moyens de fonctionner. Et ces moyens-là, j'insiste, proviennent des investissements adéquats dans les domaines économiques et sociaux qui permettent justement d'assurer l'égalité, d'assurer, si vous voulez, de lutter contre la discrimination, par exemple, dans l'accès aux ressources et de promouvoir, si vous voulez, le secteur économique. Et sinon, on obtient une situation où tous les droits de l'homme sont reconnus, mais en fait, la jouissance est relative parce que les moyens pour en jouir sont limités. L'émission, c'est Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous échangeons autour de la situation des droits de l'homme au Burundi à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'était le 10 décembre 1948. Et aujourd'hui, il y a 70 ans que cette déclaration existe. Autour du plateau, nous sommes avec trois invités, honorable président Sylvestre Ntibantunganya, Jean-Baptiste Baribonekeza, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, Jean-Marie Vianney Gato, membre de l'Association des juristes catholiques du Burundi. Président Sylvestre Ntibantunganya, on vient d'entendre le président de la CNDH lorsqu'il parle qu'il faut renforcer les droits sociaux et économiques, mais finalement, on se retrouve face à une thématique des droits de l'homme, mais qui appelle une volonté politique et des moyens. Oui, bien sûr, on n'aurait pas demandé qu'il y ait respect des droits de l'homme de manière satisfaisante s'il n'y a pas de préalable rempli au niveau politique. Non, ça ne se passerait pas. Et ces préalables existent ou n'existent pas? Bon, alors, ça existe parce que vous savez que c'est vrai, aujourd'hui, c'est 70 ans au niveau international et au niveau universel, pourrais-je dire. Mais au niveau du Burundi, moi, j'aimerais partir des années 1990 parce que c'est à partir de là qu'il y a commencé à y avoir des progrès. Et il faudrait évaluer aujourd'hui comment ces progrès ont été entretenus et consolidés. Je me souviens qu'à l'époque, le Burundi venait de passer presque deux décennies, si pas non, presque trois décennies d'indépendance sous le règne d'un parti unique, avec une société qui était alors qualifiable de société fermée à l'époque. Et à partir de ces années, on a commencé à avoir des signaux d'ouverture. Et je me souviens d'ailleurs qu'une des premières manifestations a été la création de la Ligue burundaise de défense des droits de l'homme, la Ligue ITEC. À l'époque, je me souviens même qu'il y a des membres de notre parti, le Frodebout, qui travaillaient dans la clandestinité jusque-là, qui avaient préféré s'intégrer dans cette association pour pouvoir s'exprimer. Une année après, dans les années 1991, le Burundi a adopté la charte de l'unité nationale, qui est une sorte de charte aussi des droits de l'homme, si vous la lisez bien. À la burundaise. Oui, à la burundaise, mais ce sont ces principes fondamentaux que vous retrouvez dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que vous retrouvez dans la charte de l'unité nationale, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, il a bien fait de souligner que pratiquement dans toutes nos constitutions, nous intégrons de manière pratiquement textuelle, intégralement, les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans nos constitutions. Ce qui les rend davantage, d'ailleurs, ce qui les rend davantage, le texte est obligeant. Parce que quand c'est une constitution, vous êtes dans l'obligation de la mettre en application. Alors que la déclaration elle-même, en elle-même, c'est une intention, il n'y a aucune obligation. Alors, cela étant dit, donc, en 1991, nous avons adopté la charte de l'unité nationale, qui est une consécration, pourrais-je dire, de pas mal de droits, dont le droit à la vie. Parce que la charte de l'unité nationale voulait répondre à une question qui s'opposait au vu des drames que le pays avait connus, qui avaient été étiquetés de drames à caractère politico-ethnique. Vous savez également que c'est à cette époque, qu'a été élaborée et adoptée la constitution qui ouvrait le pays au multipartisme, avec toute une série d'exigences au niveau justement des droits de l'homme, liberté de la presse, liberté d'association, etc. Aujourd'hui, il serait très intéressant de voir statistiquement les progrès ou les régressions qui ont été constatés sous certains aspects nous intéressant au niveau des droits de l'homme. Le respect de la vie, d'abord. La liberté d'expression, la liberté d'association, des réalités de ce genre. On constatera donc qu'il y a eu peut-être une évolution en dents de scie. On aime aussi aujourd'hui, parce que l'actualité des fois nous emporte, nous évaluer par rapport à ce que nous appelons la crise de 2015. Moi, je me souviens en 2016, ou disons mieux, au début 2017, après presque deux ans, une année et demie que je venais de passer à l'extérieur du pays quand je suis rentré, et on me demandait d'évaluer en ce qui concerne, par exemple, les problèmes de sécurité. Ma référence était très simple. Je disais, en 2015, quand j'étais chez moi, j'observais côté Mutakura, c'était quotidiennement crépitement d'armes automatiques. Et je disais aujourd'hui, depuis que je suis là, je n'ai jamais entendu d'armes qui crépitent. C'est une réalité. On me disait que les populations ne pouvaient se déplacer d'un quartier à un autre. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème de se déplacer dans n'importe quel quartier. Ici à Bujumbura, on me disait, on constatait qu'on ne pouvait se déplacer d'une province à une autre parce qu'il y avait tant de problèmes. Aujourd'hui, les gens se déplacent. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, parce que chaque fois qu'il y a une vie humaine qui s'opère victime d'un acte d'un autre humain, c'est une offense aux droits de l'homme. Mais on doit également reconnaître qu'il y a des évolutions. Et c'est ici où il faudrait cadrer bien ce que nous devons faire. Parce que normalement, quand vous avez atteint un progrès, vous n'avez pas le droit de régresser. Non, vous devez continuer à progresser. Et je pense que c'est ici où les uns et les autres devraient s'adonner à un exercice d'introspection pour voir ses responsabilités. Non pas uniquement se limiter à accuser celui-ci ou celui-là, mais voir ce que l'un et l'autre doivent faire pour justement garantir le respect et la promotion des divers droits qui sont mentionnés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand nous avons commencé l'émission ici, nous causions avec votre confrère Kirundi, qui nous disait une situation observée par exemple à Buterere, où il y aurait des humains qui vont disputer les déchets avec des cochons. Au cas où cela est vrai, c'est un drame. C'est un drame parce qu'il y a un droit fondamental qui n'est pas garanti. Parce que quand on n'a pas accès à la nourriture, n'allez pas me dire que la vie est garantie. on finit par mourir. Et on voit, moi quand je vois les distributions de nourriture qui se font d'aujourd'hui, il y a quelque part un problème là. Et on doit le satisfaire. Et quand vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a une sorte, oui c'est une intention, mais dès que nous l'avons coulé dans notre constitution, ça devient une obligation, le droit à l'éducation, de l'école primaire jusqu'à l'école fondamentale, on dit que ça doit être un droit gratuit. Est-ce que c'est la réalité? On devrait s'évaluer ici. Il y a donc tout un exercice qui devait être fait. Je pense donc que monsieur le président de la Commission nationale de la Commission indépendante des droits de l'homme qui est ici pourra aider à ce qu'on fasse cet exercice, pas se limiter uniquement au drame de perte de vie humaine qui doivent être chaque fois condamnés, qui doivent être chaque fois régressés. J'apprécie aussi qu'il ait évoqué le devoir d'exercice d'un pouvoir judiciaire autant indépendant que responsable, parce que c'est lui en fait à un certain moment qui a l'obligation d'équilibrer et en lisant la loi et en demandant l'application de la loi. Donc qu'il y a également là un devoir d'œuvrer pour l'émergence dans ce pays d'un véritable pouvoir judiciaire indépendant, mais j'ai ajouté également responsable. Comme j'ajoute également des associations de la société civile, également indépendantes, mais aussi responsables. Et là, vous constaterez que quand vous analysez suffisamment ici, parce que des fois, on l'évoque ici, quand il y a des défaillances, quelque part, au niveau des différents intervenants, il y en a qui sont tentés d'intervenir là où ils ne devraient pas intervenir. Ou vous voyez, par exemple, une association de la société civile qui serait tentée de se substituer à un parti politique. Et là, ça pose énormément de problèmes. Ça veut dire qu'il y a quelque part des défiances. C'est dit donc qu'il y a des progrès, mais nous devons également avoir le courage de constater qu'il y a des problèmes qui doivent être redressés et que pour redresser, il faut une démarche synergique, une démarche convergente de tous ceux qui sont impliqués dedans. Le déni n'est pas autorisé en matière des droits de l'homme. Jean-Marie Vianney, Gato, pensez-vous, comme le président Sylvestre Nivanungagna, qui propose une auto-évaluation pour envisager une continuité dans la progression en termes de respect des droits de l'homme? Quelles sont les faiblesses peut-être pour qu'il y ait une réelle auto-évaluation pour cheminer vers un respect des droits de l'homme? Ici, j'aimerais bien éviter l'exercice de décompte des violations des droits humains et de leurs auteurs durant les 70 années d'adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ici, c'est un exercice d'un côté dont je n'ai pas les compétences, compte tenu aujourd'hui de l'absence du représentant du gouvernement, mais non plus parce que, aussi parce que le résultat peut déboucher sur, peut être décourageant. Alors que, c'est exactement ce que la CVE va faire. C'est ça. Mais il faudra que ce soit encourageant. D'accord. Le résultat peut être, le résultat de la décompte des violations et des auteurs, pour nous, ça peut être décourageant. Par contre, nous sommes au niveau de la GCV. Nous invitons toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du contenu de cette déclaration, de tirer des leçons de ces 70 ans qui viennent de s'écouler, de tirer des leçons du niveau du respect ou de la violation des droits humains. Et la première leçon que je tire, moi, et je crois que c'est aussi de la GCB, c'est que les grandes violations des droits humains ont eu un lien avec, dans le passé, avec les grands rendez-vous, les grands événements qui étaient prévisibles, qui étaient dans le pays, notamment les occasions des processus électoraux, quand bien même il y a d'autres occasions, d'autres événements qui ont été une occasion de violation massive des droits humains. Alors, pour tirer les leçons du passé, nous exhortons toutes les parties prenantes à se projeter sur des événements futurs, se projeter sur, dans le futur. Anticiper. Notamment, nous sommes à la veille d'un processus électoral. En 2020, c'est pas loin, c'est demain, d'un processus électoral. Je prie que ça ne soit pas, encore une fois, une occasion où on observe à une montée, à une recrudescence de violation des droits humains. Et ça, comme je l'ai dit tantôt dans ma première intervention, je crois que nous avons besoin de conjuguer nos efforts, surtout sur l'aspect prévention. Et c'est possible, ils mettent un résumé de soi pour que dans le futur, on puisse éviter ce que nous regrettons dans le passé. Et pour ça, je crois que AGCB, comme les autres acteurs, doivent créer des synergies, doivent remonter le niveau de collaboration et surtout les acteurs institutionnels doivent s'assurer d'une réelle participation. Parce que d'une réelle participation au niveau politique, quand on parle de participation politique, je répète, on voit les niveaux les plus élevés, mais tout se joue au niveau à partir de la base. Je donne un exemple. En cours, je dois avoir appris que nous sommes en... On vient d'abord d'adopter un nouveau plan national de développement. Et au niveau plus local encore, on est en phase de révision des plans communaux de développement communautaire, ce qu'on appelle le PCDC, communément le PCDC. J'aimerais inviter les responsables de ce processus parce que ce sont des outils importants qui reflètent le niveau d'engagement de la volonté politique au niveau supra. C'est le PCDC, c'est le miroir, c'est le reflet du niveau d'engagement local pour la défense des droits humains. Parce qu'en fin de compte, toute planification doit être orientée vers la prise en compte des aspirations, et c'est dans des outils qu'on peut voir ça, et dans des actions concrètes qui sont prévues et qui sont financées dans ces plans qu'on est en train d'adopter. Je ne donne qu'un exemple, mais je crois qu'il y a beaucoup de mécanismes partout, que ce soit dans les acteurs institutionnels, dans les acteurs non institutionnels, il y a beaucoup de mécanismes qui nous permettent de contribuer à l'effectivité de la défense des droits qui sont reconnus à travers la Déclaration universelle des droits humains. Jean-Baptiste Balibonekeza, au niveau de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, est-ce que vous collaborez lorsqu'il faut parler des aspects des droits de l'homme? Parce que des fois, on a tendance à comprendre que c'est le gouvernement qui a cette préoccupation et en fait de compte qui doit se soucier du sort des citoyens sans remonter de la base, comme Vianney vient de le mentionner. Est-ce que vous pensez que cette approche de collaboration, ça a été toujours un procédé au niveau de la commission? J'ai plutôt une opinion mitigée par rapport à ça, mais je pense que la collaboration, c'est un effort de tous les jours. C'est un effort de tous les jours. D'après ce que je peux dire, quand on part dans une hypothèse comme celle du Burundi, et en présence d'un gouvernement élu, le gouvernement n'est pas étranger. Le gouvernement il prend origine parmi la population d'abord, pour commencer. Et deuxièmement, je pense qu'on fait face à l'un des gouvernements que j'ai vu le plus présent sur le terrain. Ça fait plus de 3 ans que je dirige la ZNIDH et je regarde la façon de fonctionner du gouvernement. Je pense que c'est l'un des gouvernements qui se déplace le plus vers la population que par rapport au gouvernement antérieur, déjà. Maintenant, comme je le disais, il est question, je pense, surtout de continuer à renforcer justement cette interaction nécessaire entre différents acteurs à tous les niveaux, à la base comme au sommet. Mais quand on part, encore une fois, avec des administrateurs qui sont élus, des députés qui sont élus, un gouvernement élu, etc., je pense qu'on est parti, et en tout cas dans une situation de non-retour, où en tout cas on fera toujours face à des gouvernements qui prennent origine parmi nous. Et donc du coup, les chaînons, si vous voulez, les chaînons classiques de communication, qui sont les organisations de la société civile, les partis politiques, le Parlement et les différentes institutions techniques, si vous voulez, spécialisées. Je pense qu'il faut plutôt renforcer les moyens de fonctionnement, comme je l'ai dit. La volonté y est. Donc, je pense que la volonté est là. Des moyens. Mais justement, on parlait en bas de l'échelle, au niveau de la population, mais quand même, il y a aussi à l'échelle internationale une autre collaboration qui est demandée. Aujourd'hui, on parle de la fermeture du bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme au Burundi. On parle de plusieurs rapports que le gouvernement conteste. Est-ce que peut-on parler qu'on est toujours dans cette approche collaborative? C'est une question, je pense, à laquelle le gouvernement serait le mieux placé pour répondre. Le gouvernement est responsable évidemment de la diplomatie et des relations avec les autres pays ou avec les Nations Unies. Je n'ai pas encore vu en fait le texte qui consacre la décision de fermeture du bureau de l'Office du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, et donc je ne ferai pas beaucoup de commentaires là-dessus aussi longtemps que je n'aurai pas vu ce texte. Mais on sait que le bureau pays du Haut-Commissaire aux droits de l'homme existait dans une quasi-illicéité internationale. Donc, je n'ai pas vu le texte qui consacre sa présence au Burundi. Et donc, je pense que le texte était devenu obsolète, ce qui est déjà un problème, je pense, qui crée un problème de confiance et de transparence, si vous voulez, dans le travail d'une organisation, par ailleurs, est très, très importante. Et on sait aussi qu'il y a des efforts de négociation qui ont commencé, je pense, depuis plus d'un an. Et entre le gouvernement d'une part et les Nations Unies d'autre part, pour, si vous voulez, recadrer la coopération ou bien la coopération entre ce bureau des Nations Unies en charge des droits de l'homme et puis le gouvernement, mais les efforts à date n'ont pas abouti. Donc tout ce que je peux dire, c'est d'en appeler, si vous voulez, au respect des principes internationaux dans ce genre d'activité, et surtout les principes comme la réciprocité et par opposition à l'unilatéralisme, je pense, doivent prévaloir. Donc il faut beaucoup de volonté, il faut beaucoup de bonne volonté, il faut beaucoup de dépassement de soi, et surtout continuer à placer devant les intérêts du peuple burundais, et plutôt que d'aller dans une logique de l'unilatéralisme. Et donc je pense qu'avec des efforts, si vous voulez, de rapprochement des positions, on va arriver à une situation différente. Et, mais au niveau de la CNDH, évidemment, on encourage le renforcement de la coopération internationale, notamment la coopération technique, et de continuer à avoir de bonnes relations avec différents pays, comme avec tout le système multilatéral. En quoi vous vous engagez au niveau de la CNDH? Oui, alors la CNDH reste engagée à travers ces trois missions, la mission de protection, la mission de promotion, mais aussi la mission de conseil. C'est les trois missions légales, c'est des missions importantes qui, si vous voulez, évoluent avec leur contexte. On ne fait pas la même chose chaque année, on ne fait pas la même chose chaque jour. En réalité, il n'y a pas de journée typique au niveau de la CNDH. Mais on s'engage à continuer nos efforts, surtout dans la sensibilisation et l'éducation aux droits de l'homme, que ce soit avec les différents responsables, les autorités, les responsables de la société civile, les leaders communautaires, et même les confessions religieuses. Je pense qu'on a beaucoup besoin d'eux, n'est-ce pas, quand il s'agit de traiter certaines questions, notamment à la base, mais aussi même au niveau politique. Maintenant, la CNDH va mettre beaucoup d'accent justement sur l'aspect éducation et prévention, surtout la prévention de la violence électorale en prélude aux élections de 2020. Pour satisfaire aux attentes de Jamal Vienne. De la population en général, et je pense que c'est ça qui les reflète aussi. Mmh. Et donc, on va continuer à faire de l'éducation, notamment de la sensibilisation, par exemple, des jeunesses politiques sur la question du respect mutuel, de la cohabitation pacifique et de la tolérance politique en général. Et ça va permettre, je pense, de réduire le risque, si vous voulez, de violence dans le cadre, par exemple, des élections de 2020. Et évidemment, ce faisant, on va continuer nos activités de monitoring de la situation réelle sur le terrain, que ce soit les différentes inspections que nous faisons, par exemple, dans les lieux de détention, les prisons, les cachots, etc. Et aussi apporter l'aide selon les moyens disponibles, et que ce soit l'aide légale, que ce soit aussi les autres formes d'assistance qu'on apporte aux différentes victimes, aux personnes qui nous saisissent. Et en continuant, enfin, justement, à rester auprès du gouvernement pour apporter les bons conseils quand il s'agit des questions des droits de l'homme. Et c'est des efforts constant, si vous voulez. Donc il faut plutôt continuer à donner des avis, à donner des recommandations, à donner de bonnes analyses aux autorités. Et quand il s'agit justement de répondre aux préoccupations des droits de l'homme, parfois ça demande des réformes, parfois ça demande des réponses immédiates, mais chaque fois ça demande toujours de bons avis techniques qui permettent de prendre les bonnes décisions, que ce soit au niveau politique, que ce soit aussi à d'autres niveaux de prise de décision. Président Sylvestre Ntibantunganya, vous avez dirigé le pays au fort de la crise. Qu'est-ce que vous recommandez aux décideurs aujourd'hui par rapport à cette thématique? Non, pas seulement aux décideurs, mais à tous ceux qui interviennent justement dans la défense, dans la protection, dans la promotion des droits de l'homme. Quand vous lisez la déclaration en elle-même, elle définit le cadre qui l'intéresse, ce qu'elle appelle la famille humaine. Une famille est donc, à mon avis, qui va au-delà de nos propres frontières. Ça veut dire qu'on a le devoir de défendre les droits de l'homme partout où il est. Mais bien sûr, vous savez que le monde est organisé de manière interconnectée entre États. Ici au Burundi, nous avons un premier devoir. Si nous voulons respecter et promouvoir les droits de l'homme, le devoir d'interroger le passé. Par rapport justement aux violations massives des droits de l'homme que nous avons vécues dans ce pays, il y en a beaucoup. Et nous avons le devoir de ne pas nous laisser aller au déni par rapport à ces violations. surtout au niveau de ceux que je considère comme pouvant être impliqués dans le leadership. Et quand on parle de leadership, on ne se limite pas uniquement au niveau des institutions de l'État. On va également dans le leadership, dans les confessions religieuses. Nous avons ici, par exemple, notre ami qui est membre d'une association, je crois, de juristes catholiques. Les églises jouent un rôle très important en matière de défense des droits de l'homme, les églises et les confessions religieuses. Nous avons également le partenariat avec les associations impliquées dans la défense des droits de l'homme. Ils ont également des responsabilités. Nous avons bien sûr le partenariat important de la population burundaise elle-même. D'abord, s'adonner à cet exercice de se refuser au déni par rapport au drame que ce pays a connu, notamment quand vous êtes en haut responsable. En deuxième lieu, s'engager à défendre et consolider les progrès atteints. Il y a des devoirs qui reviennent à ceux qui gèrent les institutions. Il y a des devoirs qui reviennent évidemment aux autres partenaires, dont les partis politiques. Parce qu'en fait, quel est le rôle d'un homme politique? C'est justement d'aller dans la gestion de l'État pour promouvoir les droits de l'homme. Il n'y a rien que ça. Promouvoir les droits de l'homme. Permettre à l'homme d'accéder à la santé convenable, permettre à l'homme d'accéder à la bonne éducation, permettre à l'homme de vivre librement, permettre à l'homme de s'essayer, comme disait le manière guarda dans le temps, ou t'es comme autre, pour essayer de vivre le plus décemment. Ce n'est que ça. Des fois, on complique les choses alors que c'est simple. Alors, aujourd'hui, nous avons d'abord ce devoir d'oser voir le passé tel qu'il s'est passé et de prendre la décision de corriger le passé. En deuxième lieu, donc, aujourd'hui, il y a les droits de l'homme qu'on peut inventorier et voir ce que chacun, alors, peut faire pour en assurer la promotion. C'est un exercice qu'on ne terminerait pas ici. En tout état de cause, moi je dis, soyons engagés. N'ayons pas peur de nous engager. N'ayons pas peur aussi de regarder l'autre comme un partenaire. Et non uniquement comme un ennemi, comme un adversaire, mais un partenaire avec lequel on est appelé à défendre et à consolider les droits de l'homme. À partir de là, on va avancer. Il ne faut pas qu'au niveau des institutions de l'État, l'on soit tenté à voir à travers les associations qui interviennent dans la défense des droits de l'homme des obstacles à leur plein épanouissement. Il ne faut pas que du côté des associations qui interviennent dans la défense des droits de l'homme, l'on soit tenté de croire que l'État est là comme un obstacle. Là, ça ne marche pas. Et vous voyez qu'il y a, par exemple, au niveau des progrès qui avaient été atteints depuis les années 1990, quelque part quand même, il y a eu des difficultés. Parce qu'après tout, regardez vous-même les radios. Il y en a qui avaient commencé à évoluer ici et qui faisaient la fierté du Burundi jusqu'à récemment. Mais il y a eu des problèmes. D'où sont venus les problèmes? Est-ce de l'État? Est-ce de ces radios elles-mêmes? Ou quelque part, il y a des responsabilités qu'il faut rechercher et non pas pour écraser, mais pour redresser. On peut faire la même chose au niveau des associations de la société civile. On en a entendu depuis les années 1990. Il y a eu des difficultés. Mais faut-il rester toujours uniquement dans des positions accusatrices ou quelquefois faut-il avoir le courage de dire, écoutez, nous allons faire un travail introspectif pour voir ce qu'il faut redresser pour l'intérêt justement de la consolidation de ces acquis. Je prends ce que vous dites vous-même ici à votre radio, Isanganiro, Ibigi Inama, Bigirimana. Je pense que si très humblement on s'adonne à cet impératif, on pourra corriger beaucoup de choses. Parce que les droits de l'homme sont des droits inaliénables que chacun a le devoir de protéger, que chacun a le devoir de promouvoir. C'est pourquoi Je suis d'accord avec le président de la CNDH et j'insiste beaucoup. Nous avons besoin dans ce pays d'un pouvoir judiciaire fort. Fort parce qu'indépendant de toutes ces pressions qui peuvent avoir lieu, mais aussi fort parce qu'il est responsable, en vue justement d'aider à des redressements chaque fois que cela s'impose, sur base bien sûr des lois de ce pays doté. Voilà, c'est sur ces conseils que nous mettons un point final à notre émission Mosaïque. Et dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous débattions autour du respect des droits de l'homme au Burundi à l'occasion de 70 ans d'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça a été adopté le 10 décembre 1948. Autour du plateau, nous étions avec trois invités. Je remercie Jean-Baptiste Balibonekeza, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie également et je salue encore une fois les auditeurs de la radio Sangani. Je dis également merci à l'honorable président Sylvestre Nibanunganya. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. C'était un devoir de venir me présenter dans cette émission. Je vous remercie de m'avoir invité. Et je remercie aussi les auditeurs. Et je promets que chaque fois que vous aurez besoin de moi pour donner des éclaircissements ici ou même exprimer une position personnelle, je répondrai toujours au rendez-vous. Nous vous remercions d'avance. Nous disons également merci à Jean-Marie Vianney Gato-Gato qui représentait dans cette émission l'Association des juristes catholiques du Burundi. Merci d'avoir pris part à l'émission Mosaïque. Merci à la radio, mais ici à ceux qui ont été dans ce studio et ceux qui ont écouté cette émission. Je remercie Léonce Vitalio qui était à la réalisation de Mosaïque d'aujourd'hui. Eric Ouimana assurait la mise en onde. Pacifique Chubahiro qui animait Mosaïque d'aujourd'hui. Je vous souhaite de continuer de suivre les émissions de la radio Isanganiro. Mosaïque.